amis, ceux qui peuvent vous parler. Les conséquences de la guerre. Car je suis victime directe de la guerre. De la guerre. Je suis parmi ceux qui peuvent vous parler. Les conséquences de la guerre. Car je suis victime directe de la guerre. De la guerre. À cause de la guerre, je perdis mes parents. À cause de la guerre, je perdis tous mes biens. Et à cause de la guerre, je n'ai pas terminé mes études. À cause de la guerre, je suis devenu dangereux à la société. Ya Afrika watu wanazidi kufa. Eyo, amani.